Yeah. Lock Hops, Nizi, Limsa, bah. J'ai plein de récits et je vais le prouver. Je veux une vraie team incandescente. Je suis un des styles que réprouvé et la rétine incandescente. Trop de gens galèrent, situation des plus navrantes. Quand d'autres récoltent le fruit de la plante et puis la vente. Conditionné à accomplir des tâches dès des automates. Comme je suis Hélène, je suis un ennemi des tâches, je vais ton mic. Et je vois que la télé-réalité fabrique des bouts des petits cons. Envie d'aller sur énergie 12 et de leur faire bouffer le tico. Moi tout me parle, j'ai pas bridé mon art juste pour que tu me boutes pas. Arrête de chialer, je reste même sur de la trappe ou du boom bap. Tu te sens coupable et soumis, et doute plein, même sous weed. Ils deviennent de plus en plus rares, donc ne loupe pas mes sourires. Tu vois empirer ta life. Longtemps que j'ai arrêté de compter les culs joints dans mon standard. J'suis pas venu tirer l'alarme. C'est simple, le temps avance. Puis j'me dis que tout le monde s'en tape. A cause des stars, à cause des stars, à cause des stars qu'on tournait tard l'après-midi. Tard l'après-midi, tard l'après-midi. Les petits croient plus en la justice et sont dans le délit. Dans le délit, dans le délit. En bas de mon bat, mon âme tout tournait à la craie. À la craie, à la craie. Gros y'a plus de poteau, même pour y'a ta vente des vies. Vente des vies, vente des vies. A cause des stars qu'on tournait tard l'après-midi. Tard l'après-midi, tard l'après-midi. Les petits croient plus en la justice, sont dans le délit. Dans le délit, dans le délit. En bas de mon bac, mon âme qu'on tournait à la craie. À la craie, à la craie. Gros y'a plus de poteau, même ton gars t'a vente des vies. Vente des vies, vente des vies. Insensible au malheur des autres, tous préoccupés par le sien. Quand tu vois un SDF avec un yinche, t'es ému, mais c'est sûr que t'es ému par le chien. Soir, je suis avec mes refrains, on parle peu, on parle bien, on parle d'avenir de regrets. Ton CD, personne l'achète, y'a haja, personne agit. À 15 ans, on avait déjà des problèmes de personnes âgées. Pour soulager leur peine, les petits drogues, ils connaissent la sentence. Le bonheur a pris la sortie, la rage a pris l'ascendant. Crache sur ces flics, chum. Surtout depuis que je vois les tireurs devenir des blasseurs des t-shirts. Faut garder nos pulsions. Nous on est des casseurs et des héros. La différence c'est les mots gros, faut pas des émeutes mais des révolutions. Comme la télé et les drogues, je suis un fléau méchant, c'est gratuit, amitié bénévole. Y'a pas de solidarité sauf les jours de mariage, tout le quartier fait des logs. Notre bonne étoile a le même métier que Pénélope. Ouf. A cause des stars, à cause des stars, à cause des stars qu'on tournait tard l'après-midi. Tard l'après-midi, tard l'après-midi. Les petits croient plus en la justice et sont dans le délit. Dans le délit, dans le délit. En bas de mon bac, mon âme tout tournait à la craie. À la craie, à la craie. Gros y'a plus de poteau, même pour y'a ta vente des vies. Vente des vies, vente des vies. A cause des stars qu'on tournait tard l'après-midi. Tard l'après-midi, tard l'après-midi. Les petits croient plus en la justice, sont dans le délit. Dans le délit, dans le délit. En bas de mon bac, mon âme qu'on tournait à la craie. À la craie, à la traîne. Gros y'a plus de poteau, même ton gars t'invente des vies. Vente des vies, vente des vies.